J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas. À tous ceux qui ont été traumatisés par les cours d'histoire dans leur jeunesse, à tous ceux qui pensent que la Craffe n'est qu'une porte, ou que Charles III n'est qu'un nom de rue, cette chronique est faite pour vous. Aujourd'hui, dans J'aime pas l'histoire, nous allons parler de Châteaufort et de celui de Nancy. Quoi ? Un château à Nancy ? Où ? Je ne l'ai jamais vu. Nancy est née au XIe siècle, au Moyen-Âge. Elle fait partie du duché de Lorraine, qui lui-même appartient au Saint-Empire romain germanique. Elle occupe une place stratégique à proximité d'une route commerciale entre Trèves et Lyon. Petit rappel, ce n'est qu'en 1766 que Nancy et le duché de Lorraine seront rattachés au royaume de France. Le nom de Nancy apparaît pour la première fois dans un texte, une charte de 1061, date qui correspond à la constitution d'un château fort par le duc de Lorraine, Gérard d'Alsace, sur l'emplacement d'un hameau appelé Nancéyaco. Une cité fortifiée se développe alors et va devenir, malgré sa taille modeste, la capitale du duché de Lorraine. Nancy a donc été créée tardivement par rapport à d'autres villes voisines. Metz et Verdun ont été fondées sous l'Antiquité. Épinal aussi est apparu au Moyen-Âge. D'autres villes de France ont encore été créées plus tardivement, comme Vitry-le-François en 1545, ou encore plus récemment, les villes nouvelles de la banlieue parisienne. La création d'une ville répond à différents besoins. Offrir une résidence pour le pouvoir en place, contrôler un axe commercial ou exploiter des richesses. Mais revenons au château. Il ne reste aujourd'hui plus rien de ce château fort qui aurait été détruit vers 1218 à Nancy. Mais l'emplacement de ce château est connu. Il englobait l'actuel quartier Saint-Ève. Après sa destruction, la ville se dote de nouvelles fortifications qui suivent la croissance de la ville. Le quartier de la vieille ville témoigne en revanche du passé médiéval de Nancy, avec ses rues sinueuses et étroites, comme la rue de la Source, la rue du Mort qui trompe, la place du Marché, qui se situe sur l'actuelle place Saint-Ève. Et concernant les nouvelles fortifications, il reste aujourd'hui un monument emblématique, la porte de la Craffe, dont nous aurons l'occasion de reparler. Nancy a donc connu de nombreuses transformations depuis le Moyen-Âge. Une ville donc comme un livre jamais achevé. La création de nouveaux quartiers, la construction de nouveaux bâtiments ou de nouveaux modes de transport sont autant de nouveaux chapitres qui complètent l'histoire de la ville. J'aime pas l'histoire, présenté par Nicolas.